Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce caprice de lecture très spécial, parce qu'aujourd'hui nous n'allons pas parler littérature, ni polar à suspense, ni romance, mais nous allons parler théâtre, et plus particulièrement les 34e rencontres théâtrales de Tomblaine aux actes citoyens. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui son directeur artistique, Hervé Ferron. Bonjour Monsieur Ferron. Bonjour Sarah. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui dans mon émission. Moi je suis ravie d'être là. Très contente. J'ai une vraie affection pour Radio Fadjet aussi, et donc tout va bien. Ok, super. Alors, je vais vous appeler Hervé. Oui. D'accord. 34e festival, c'est quoi votre truc pour tous les ans remettre en place des spectacles incroyables avec une programmation pas possible, des expos? C'est quoi votre moteur pour ce truc-là depuis 34 ans? C'est d'abord, les choses se sont construites petit à petit. Vraiment, on est parti de rien. Et chaque année, on fait mieux, on fait plus grand. Et on se dit qu'on pourra jamais faire plus. Et chaque année, on progresse, mais on progresse surtout ensemble. C'est-à-dire que on tient notre réussite de l'énergie qui est assez incroyable, générée par des dizaines et des dizaines de bénévoles, où chacun a son rôle, chacun a sa spécialité, où les gens sont généreux, et ça fait une équipe formidable d'une part, et puis une grande stabilité, je crois, dans la qualité de la programmation. On a grandi avec notre public. Tout au début, on était un festival de café-théâtre, parce que c'était peut-être le plus facile pour attirer par le rire et peut-être la légèreté le public. Et puis progressivement, on a présenté des choses plus classiques parfois, plus en tous les cas, plus théâtralisées, plus mises en scène, avec des sujets plus graves. Et progressivement... Je crois qu'on a éduqué le public, mais que le public a grandi avec nous aussi. On a parfois des spectateurs qui ne vont au théâtre qu'une fois par an, c'est-à-dire au moment du festival. Oui. On a aussi des spectateurs qui sont des vrais spécialistes, mais en tous les cas, ils sont devenus très exigeants. Et notre public n'accepterait pas qu'on propose un spectacle bas de gamme. Donc on va voir ça très en amont, on repère, et on se trompe pas beaucoup, puisque ça fait 7 années de suite que l'on présente des spectacles parfois complètement inconnus et qui sont moliérisés par la suite. J'allais y venir, j'allais appeler ce festival le dénicheur de Molière ou précurseur de Molière, car je crois, si je me trompe pas, que le spectacle de Jean-Philippe Daguerre, Du charbon dans les veines, vient de décrocher 5 Molières. Oui. C'est ça. Et oui, il est programmé au festival. Oui. Et le 28 avril, parce que les autres années, la cérémonie des Molières avait lieu la semaine après notre festival. Oui. Donc, on présentait des spectacles qui, parfois, 3 jours après, étaient moliérisés. Oui. Et puis même ces spectacles ensuite étaient portés au cinéma, et ça arrivait très très souvent, enfin régulièrement au moins depuis 7 ans. Cette année, la cérémonie des Molières a eu lieu avant, le 28 avril. Sur 20 Molières décernées, 7 correspondent à des spectacles programmés dans notre festival. Donc on pourrait l'appeler le festival dénicheur de Molière ou programmateur de Molière. Alors, ma deuxième question, Monsieur Ferron, donc on va être un petit peu sur l'inauguration du festival, l'ouverture du festival, donc le 24 mai à 15h. J'ai trouvé un article dans l'Est républicain diffusé hier. Il y a plein de surprises qui vont arriver. Alors nous, on est tous impatients, bien sûr, c'est un événement dans la commune, mais aussi alentour. Et je tenais à préciser aussi à l'antenne, ça me paraît important, parce que tout à l'heure, vous disiez que vous avez un public qui vous suit depuis toujours, mais vous avez aussi le nouveau public, c'est-à-dire que vous arrivez à créer un événement qui soit intergénérationnel. On voit des petits, on voit des ados. Moi, j'ai des enfants ados, grands ados, qui sont très contents de venir participer et de découvrir des choses. Et je me dis que c'est bon signe pour la santé, on va dire, éducative et culturelle de cette jeune génération qui arrive avec, on va dire, tout ce qui est TikTok, Instagram et tous ces trucs-là un peu. Je trouve que le théâtre leur permet une ouverture d'esprit encore plus importante. Donc, l'inauguration du festival le 24 mai à 15h. À quoi on s'attend ? Qu'est-ce qu'on va découvrir ? Il y a plusieurs choses dans votre question. Sur le côté amener à une culture de qualité et partagé, accessible au plus grand nombre. C'est évident, votre émission est une émission qui concerne d'habitude plutôt la lecture, l'écriture. Beaucoup de spectacles qui sont proposés correspondent aussi à des écrits. Ce sont des auteurs qui n'écrivent pas que pour le théâtre. Et on a remarqué depuis quelques années, on a toujours des locomotives, hein. Quand, si on regarde cette année, on va voir Richard Berry, Christophe Malavoie, Patrick Chenet, enfin c'est un truc monstrueux, Olivier Sitruc, etc. Notre public, il suffit qu'on lui dise « Attention, le petit spectacle-là qu'on vous présente, vous ne le connaissez pas, vous n'en avez pas entendu parler, on vous promet, c'est une pépite. C'est un spectacle en devenir. » Eh bien, notre public se précipite là-dessus avant que de se précipiter sur les têtes d'affiche. Et ça, c'est plutôt intéressant parce qu'on arrivait à partager ça avec le public et on se rend compte que le public a soif d'intelligence et de choses qui amènent à la réflexion avec des valeurs, etc. Et donc ça, c'est très réconfortant. Ensuite, cette ouverture, bien obligée. Pourquoi bien obligée ? Tous les ans, c'est un grand moment festif. On a énormément de monde, à tel point que depuis quelques années, on ne fait plus l'ouverture officielle du festival en intérieur, parce qu'on a trop de monde. On le fait à l'extérieur. On décide qu'il va faire beau. Et il fait beau. Et on a énormément de monde à l'extérieur. C'est assez incroyable. Mais bien obligé, pourquoi ? Parce que si vous voulez, on a structuré une stratégie de publicité, de communication, sauf que on a ouvert il y a un mois et demi les réservations au bout de 15 jours. Tout était réservé. On est à guichet fermé sur tous les spectacles. On a dû doubler certaines séances, mais tout est pris et on peut plus faire de publicité pour nos spectacles. Et donc, on s'est dit, on va donner du plaisir, de la joie à tous ceux qui vont vouloir venir et le jour de l'ouverture. Le samedi 24 mai. Et bon, au moment de l'after, j'en dirai quelques mots après. Alors, le 24 mai, ouverture, les gens ont rendez-vous à 15h, place des Arts. Et donc là, il va y avoir un certain nombre d'événements avec des surprises, des choses inattendues, des choses qui, etc., etc. Mais entre autres, il y aura des musiciens, il y aura la Batucada de Tomblaine, mais pas que. Il y aura du spectacle grand format, c'est-à-dire à un moment donné, il y a un spectacle d'extérieur avec une marionnette éléphant qui doit faire 5-6 mètres de haut, qui joue avec une danseuse. On a un oiseau géant aussi qui déambule et qui joue avec le public, mais c'est aussi du spectacle spontané. On a les pianos du lac. Alors les pianos du lac, c'est un certain nombre de pianos sur la place, dans le village du festival, mais des pianos étonnants. Par exemple, vous avez un piano massage. Donc c'est un piano à queue, vous imaginez, et au-dessus du piano, vous avez un matelas, vous vous installez sur le matelas, le pianiste joue et ça vous masse. Il y a un autre piano sous forme de manège pour enfants, etc., etc. Donc, des animations comme ça, tous les côtés. Et puis, alors, on va avoir des personnalités du théâtre ou du cinéma. J'ai pas tous les noms encore, là, aujourd'hui, mais nous aurons Elena Rooney. Alors, Elena Rooney, c'est une Américaine qui a une belle carrière. Elle a été James Bond Girl en 1969. C'était une très très belle femme. Aujourd'hui, elle est âgée. C'est toujours une très très belle femme. Mais elle n'a pas fait que ça. Elle a joué dans un certain nombre de films, en particulier La Terrasse avec Mastroianni, Reggiani, etc. C'est, pour ceux qui ont vu ce superbe film, c'est la femme qui régulièrement tape dans les mains et appelle à venir à table en disant pronto, pronto. Donc c'était Elena Rooney. Elle a une carrière extraordinaire. Et Elena Rooney, sa mère a été déportée dans les camps nazis et a, jusqu'à la fin de sa vie, parcouru le monde pour faire des conférences sur ce sujet. Et Elena Rooney vient d'écrire un livre et elle vient de tourner aussi un reportage pour Arte qui sera diffusé prochainement sur ce sujet-là. Donc elle parle de la déportation et elle mène un combat comme ça. C'est une femme charmante, remarquable. En plus, comme les Américaines, elle se prend pas pour une star, et donc elle viendra pour signer des autographes, prendre des selfies, etc., donner des interviews. Elle sera là. Alors, on devrait avoir une marraine. Normalement, c'est Delphine Depardieu. D'accord. Delphine Depardieu qui sera avec nous. Delphine vient d'avoir un Molière, oui. Elle aussi. Elle n'était pas programmée dans notre festival, mais elle vient d'avoir un Molière de la meilleure comédienne au théâtre privé pour son rôle dans Les Liaisons dangereuses. Et c'est un vrai événement. On aura aussi quelques personnes du showbiz, des amis qui seront présents. Charlie Torjman qui vient avec le spectacle de Pauline et Carton qui a été joué l'année dernière à Tomblaine. Christine Murillo a obtenu le Molière du meilleur seul en scène. Alors Charlie, lui, il viendra en cours de semaine. Il viendra nous rendre visite le vendredi 30, il sera avec nous. Okay. Et il ne pouvait pas être ni Christine Murillo ni Charlie, ils pouvaient être là le samedi 24 pour l'ouverture. Mais ils vont écrire à deux un texte sur notre festival qu'on pourra lire en public. Et puis voilà, j'ai demandé à Jean-Philippe Daguerre, si, puisqu'il joue le vendredi 30 oui. du Charbon dans les veines, s'il peuvent venir avec leur Molière, et à la fin, quand ils viennent saluer, qu'ils viennent avec les cinq Molières en main, quoi. Ouais, voilà. Ce serait chouette. Donc c'est vraiment un festival où il y aura beaucoup de surprises. Cet après-midi-là particulièrement, il y a les élèves du lycée Varouco qui vont interpréter en langue des signes française donc la chanson des Enfoirés, puisqu'ils sont en convention avec les Enfoirés. Et puis beaucoup d'autres surprises. Ce sera très festif, c'est gratuit. Donc c'est sur la tranche 15h-17h30 le samedi 24 mai à Tomblaine, Place des Arts, c'est gratuit et on peut être 2000 peut-être, en tous les cas je l'espère. Ok, donc plein de surprises. Moi j'avais envie qu'on parle maintenant de l'affiche du festival, donc qui a été créée par Romain Dutreix. Oui. Ça se passe comment ? Quand tous les ans, vous avez un nouvel illustrateur ou un artiste, vous les rencontrez comment ? Alors, au début, on se disait qui on a envie de solliciter. Oui. On trouvait son contact, on l'appelait et il y a souvent eu des coups de cœur. Okay. Des coups de cœur, y compris des dessinateurs, des grandes plumes qui ont fait ça gratuitement pour le festival. Et au début, c'était pas systématique, c'était pas toujours un dessinateur. On avait parfois des photos, des montages qu'on faisait, etc., pour faire l'affiche. Et puis, on y a pris goût. Et donc, chaque année, il y a un dessinateur. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup fait le tour des dessinateurs connus. Ouais. Et c'est pas facile. Donc, on les appelle. Moi, je peux dire... J'ai donné quelques exemples... une année, je lui dis combien tu vas me demander pour créer l'affiche du festival. Il me répond, écoute, je sais pas ce que tu donnes d'habitude, mais je propose que ton association donne cette somme-là à une association caritative. Voilà. Il y a une année où je m'étais adressé à Claire Bretécher. Alors, c'était un peu mythique, Claire Bretécher. J'avais très envie qu'elle dessine pour nous. La première fois, elle avait pas été très agréable. Elle avait pas le temps. Et finalement, elle nous a proposé de nous envoyer un dessin qui avait déjà servi. C'était pas une création. Okay. Et elle nous demandait très cher. J'ai dit non poliment. Et je m'étais dit, je reviendrai plus vers elle parce que je trouve ça un peu culotté, peut-être. Pas sympa. Oui. Après, je comprends hein, qu'il faille payer puisque c'est son métier, oui. mais elle me demandait vraiment très cher, à l'encontre des valeurs qu'elle défendait. Un peu, ça faisait un peu show business, quoi. Puis l'année d'après, je ne sais plus qui m'a dit « Ah, demande-lui, redemande-lui ». Je lui ai passé un coup de filet, là. Elle nous a fait un dessin très gentiment, pour pas cher du tout. Elle devait être mieux lunée. Autrement, ça se passe toujours très bien. C'est un univers particulier que je connais pas bien, moi, la BD. Mais chaque fois, je trouve que ces grands dessinateurs... J'ai lu vraiment des très grands, et Romain en est un. Oui. Hein, il dessine dans Le Canard Enchaîné, il a des BD, il a des personnages, il existe. Alors c'est une belle plume, mais c'est aussi une belle personne. Et très souvent, ces dessinateurs sont des Tonia, qui cherchent pas trop le public, qui sont comme une timidité. Quoi, ils sont peut-être un peu dans leur monde aussi, parce qu'ils créent tout le temps. Donc c'est pas des personnalités publiques, peut-être. Ouais, c'est pour ça. Mais en même temps, ils font preuve d'une grande humilité. Moi, par exemple, Romain, il me dit... Je vous envoie, puis dites-moi ce que vous en pensez. Et moi, je dis mais non, si c'est une œuvre que vous faites, on va pas commencer à vous dire on voudrait pas ça, on voudrait autre chose. Alors, c'est vrai que il a un style qui est un peu morbide, quelquefois. Et la première proposition qu'il nous a faite, c'était un personnage d'Hamlet qui arrivait avec sur un plateau une tête de mort. Et alors, je savais pas comment lui dire. Mon fils m'a dit, oh, vas-y, tu lui dis. Alors, je l'ai appelé, je lui ai dit, bah, en fait, c'est pour communiquer, quoi. Et il m'a dit. Que pour rigoler. Il a éclaté de rire et il m'a dit, ah, bah oui, je me doutais bien que vous alliez me dire quelque chose comme ça. Et il nous a renvoyé cette proposition, oui. Et c'était parfait. C'était complètement très sympa. Dans l'esprit, oui. Voilà. Oui. Et donc après, on lui propose, dans un deuxième temps, quoi, on lui dit, est-ce que ce serait possible, un soir du festival, de venir pour rencontrer le public, oui. Et ça, voilà, il va le faire très gentiment. Ça se passera le mardi. Oh, super. Le mardi 27 mai, voilà. Une rencontre avec le public, dédicace, etc. Il le fait très gentiment. Et le public aime bien. Il y a vraiment un public pour ça, pour savoir qui est derrière cette plume, quoi. Voilà. C'est chouette. Et ça permet aussi à des personnes qui peut-être ne le connaissaient pas d'aller à sa rencontre. Bien sûr, effectivement. C'est fait pour ça. Du charbon dans les veines, 5 Molières. Ça vous fait quoi, Monsieur Ferron, quand vous apprenez ça, alors que ça va être joué vendredi 30 mai? Quand vous le programmez au festival, vous ne savez pas que ça arrivera. Je ne sais pas. Alors même, je vais vous dire un truc. Hein. Moi, quand j'ai vu ce spectacle, je me suis dit, c'est pas le meilleur que Jean-Philippe ait fait. Alors, j'oserais pas lui dire. Mais d'autres gens l'ont vu et trouvent que c'est le meilleur de très loin. Bon, okay. Passer après Adieu Monsieur Hoffmann ou Le Petit Coiffeur ou d'autres, c'est compliqué. En tous les cas, il y a une qualité d'écriture chez Jean-Philippe Daguerre, mais c'est incroyable. Où est-ce qu'il va chercher tout ça? Il y avait un spectacle, alors le titre m'échappe là, une année, j'avais été invité avec Agnès à aller voir à Paris des lectures, c'était des producteurs, des lectures de projets de spectacles de théâtre. D'accord. Et souvent, les auteurs étaient là, et puis à un moment donné, il y a un texte de Jean-Philippe Daguerre, mais Jean-Philippe Daguerre n'était pas présent. Donc, des gens viennent et lisent pendant 20 minutes, une demi-heure, okay. Et on nous annonce que ça doit devenir un spectacle. On est sorti de là, on s'est dit, mais quelle plume, mais c'est pas possible, mais comment est-ce qu'il arrive à trouver ça? Enfin, l'idée originale, la qualité de l'écriture, etc. Et en même temps, je disais à Agnès, je lui disais, mais je ne vois pas comment il peut porter ça au théâtre, comment il va réussir à mettre ça en scène. Puis 2 ans après... on est invité à voir au Festival d'Avignon un spectacle, Jean-Philippe Daguerre. On y va, et au bout de 20 secondes, je m'aperçois que c'est la lecture qu'on avait entendue 2 ans avant. Okay. Et là, je vois, à partir du même texte, je vois... c'est comme si j'avais eu les images en noir et blanc 2 ans avant, et là, tout en couleur. Et je me dis, ce type-là, il a du génie. Non seulement il écrit, mais la façon dont il met en scène, il a véritablement du génie. Donc là, c'est encore une histoire différente. C'est ça aussi son talent. Il n'y a pas 2 histoires qu'il raconte qui soient les mêmes. Et là, on est dans un univers, l'univers des mineurs. Et... Et dans le même spectacle, il raconte plusieurs histoires à la fois. Okay. C'est, il raconte les gens, il raconte la vie. C'est beau, c'est plein de poésie. Et puis, il a le talent de choisir de bons interprètes. Alors là, il a, si je ne me trompe pas, le Molière du meilleur spectacle, le meilleur du meilleur auteur, celui du meilleur metteur en scène. Et il a deux comédiennes qui ont un Molière dedans. Donc, ça montre qu'il a fait le tour de tout ça, mais... Le rôle que lui-même interprète aurait pu être moliérisé. Le rôle de Jean-Jacques Vanier, oui. Qui est quand même quelqu'un qui existe, qui est un super personnage, il aurait pu aussi être récompensé. Bon voilà, après 5, c'est déjà bien. J'espère qu'il aura le même cheminement que Adieu, Monsieur Hoffmann, qui, après avoir été joué à Tomblaine, a été moliérisé, je crois, 4 fois à l'époque, et ensuite a été porté au cinéma. C'est vrai que... Alors, j'ai un regret, c'est qu'à un moment donné, pas loin de Tomblaine, il y a une ville qui s'appelle Varangéville, et il y a une mine, mais une mine de sel. Hein, c'est pas la même chose. Ce qui fait qu'on peut aller visiter, on peut aller se promener en dessous. Et j'ai demandé, je m'étais dit, on va présenter ce spectacle-là... Dans la mine. Dans la mine. Or, les visites peuvent se faire qu'avec un maximum de 20 personnes à la fois. Donc, c'était un peu compliqué et j'ai laissé tomber. Mais j'avais commencé à réfléchir. Ça aurait été chouette. Ah, ouais, ouais, une idée originale. J'avais une dernière question à vous poser avant qu'on revienne un petit peu sur l'aspect un petit peu pratico-pratique du festival. Caroline Vigneault, donc, qui a présenté donc, les Molières, a dit « Le théâtre résiste à l'obscurantisme, au fanatisme, à l'intolérance et à la brutalité du monde. Que vous évoque ce cri du cœur de la culture ?» Alors, je pense qu'elle a complètement raison et que c'est absolument courageux de le dire. Ça doit gaver des tas de gens, mais je pense que c'est essentiel, c'est indispensable de dire ces choses-là parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai, on éveille les consciences, on organise l'intelligence partagée et la rencontre des cultures, l'ouverture de chacun vers l'autre. Ouais. Et tout à l'heure, moi je la remercie d'avoir dit ça. Et chaque fois que quelqu'un prend ce genre de position, je trouve que c'est nécessaire. Moi, je me réserve la possibilité d'ici quelque temps d'écrire quelque chose pour expliquer pourquoi quelqu'un qui a une responsabilité politique sur un territoire se doit de laisser une place essentielle à la culture, parce que ça participe à la vie des gens, et d'expliquer le pourquoi. La culture de qualité qui se croise si facilement avec l'éducation populaire. Et c'est pour ça que ça s'appelle aux actes citoyens. Il y a quelque chose vraiment qui consiste à s'engager, à être partie prenante, à être acteur de la manifestation et à devenir citoyen. Et tout à l'heure, vous posiez la question de la réussite du festival. Je crois qu'une autre chose, c'est que parfois, pas toujours, mais parfois, il y a de très très très bons spectacles à la télévision. Et on ne joue pas dans la même cour, on n'a pas les mêmes moyens. Qu'est-ce qu'on a en plus, nous ? C'est le vivant. Tous les spectacles, tous les soirs, se terminent par le verre du festival. On vient, c'est gratuit, on boit un coup, et c'est quoi l'intérêt ? Parfois, les bénévoles disent « Mais oui, mais on perd de l'argent, là. » Mais c'est pas ça le sujet, on cherche pas à gagner de l'argent. L'idée, c'est que les gens se rencontrent et se parlent. Et quand on sort d'un spectacle où on va parler... d'un génocide, où on avait eu il y a longtemps un spectacle sur la guerre d'Algérie, etc., et des gens de tous horizons, de tous bords politiques, de toutes catégories sociales se parlent, partagent le plaisir et l'émotion qu'ils viennent d'avoir, et discutent les uns les autres avec des gens qu'ils n'auraient jamais rencontrés autrement. Exact. Ça, c'est très très fort, parce que on n'est pas... Moi, c'est sûr que dès que quelqu'un me dit « j'ai pas aimé ce spectacle », ça me blesse, même s'il y en a 550 qui me disent « c'était génial », et puis qu'il y en a un qui me dit « j'ai pas aimé », je voudrais tellement qu'ils aiment tous. Mais c'est pas possible. C'est pas possible de satisfaire tout le monde. Et il faut admettre et comprendre, et même peut-être souhaiter que tout le monde n'ait pas le même avis. Mais c'est tellement bien que les gens puissent parler et réagir à tout ça. Vous savez, quand vous êtes maire, vous faites une réunion publique, les gens vous disent Monsieur le maire, il y a les jeunes qui se sont réunis à l'abribus hier. Ils ont le droit de se réunir à l'abribus. Il y a ma voisine, son chien, il a fait ses besoins devant la porte de mon jardin. Enfin, c'est des trucs comme ça. Tandis que là, je pense que le maire est en responsabilité d'organiser cette intelligence à partager. Et quand on a des discussions comme ça... intergénérationnel aussi, les comédiens de Carlo Bozzo qui sont venus la semaine dernière ont fait des interventions dans les écoles maternelles, dans les écoles élémentaires, au foyer de personnes âgées. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Le théâtre, le spectacle, la culture sont essentiels. Je suis tellement d'accord. Et la lecture. La lecture aussi. La lecture. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour assister et être bénévole aux actes et assister à des spectacles, effectivement, quand on ressort, on peut discuter avec son voisin, on peut discuter avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, on peut échanger nos avis sans aucun jugement de valeur. Mais... Je crois que c'est un des rares endroits ou une des rares matières, on va dire, ou disciplines de la vie qui fait qu'on... On n'est pas jugé, que ce soit sur une appartenance religieuse ou une orientation sexuelle ou que sais-je, en fait, juste parce qu'on n'est pas forcément d'accord sur un spectacle. Mais le fait de ne pas aimer un spectacle, pour moi, c'est déjà une réaction. C'est-à-dire que ça a tilté sur quelque chose aussi qui est venu chercher une émotion. Très souvent, on peut même discuter avec l'auteur ou les comédiens. Ils sont très disponibles après. Ça, c'est très important. Monsieur Ferron, pour terminer, où peut-on retrouver l'actualité du festival ? Ça se passe où pour les spectacles, je vous laisse le dire. Et puis, est-ce qu'il y a, alors je ne sais pas, peut-être Facebook, Instagram du festival ou voilà. On veut appeler qui ? Les auditeurs veulent des places à corps et à cri. Qui doivent-ils appeler ? Alors, des places pour les spectacles, aujourd'hui, je vous ai dit, c'est plein, donc c'est compliqué. Il y a des listes d'attente et puis il y a parfois des gens qui en dernière minute viennent pas, etc. Donc il y a des gens qui viennent et qui essaient de jouer de jouer une carte, la carte chance, mais chaque fois qu'on peut faire plaisir à quelqu'un, on le fait, mais à un moment donné on peut plus pousser les murs. Alors il y a pour le public cette possibilité. D'abord, il y a un spectacle dimanche matin à 11h qui s'appelle les Italiens chassés de Paris, les comédiens italiens chassés de Paris. Moi, je le recommande. Ça va être sur très tôt, sur la Place des Arts. C'est gratuit et on boit le punch du festival à la fin. Le mythique punch du festival. Voilà. Et donc, il y a ce moment d'ouverture où il va y avoir des choses très spectaculaires le samedi 24. Et puis, on fait ce qu'on appelle l'after. Le dernier samedi, le spectacle a lieu à 20h, donc c'est L'Homme et le Pêcheur, là aussi c'est une petite merveille. Ça se termine vers 21h45 et à 22h à l'extérieur, on fait ce qu'on appelle l'after. Donc les 550 personnes qui étaient au théâtre sortent et participent à l'after, et puis beaucoup de gens qui sont venus dans la semaine ou pas nous rejoignent pour vivre ensemble cette dernière nuit et reconstruire le monde et commencer à préparer l'année suivante. Ça, c'est chouette. Alors, pour se renseigner, alors déjà, il y a le site auxactescitoyens.fr, okay, où régulièrement il y a toutes les informations, puis il y a aussi le programme du festival. Et puis après, les réservations, c'est à l'espace Jean Jaurès, à Tomblaine. Et le numéro de téléphone, c'est 03 83 33 27 50. Il y a aussi un compte Insta, je crois. Aux actes. Oui, hein, il y a un compte Insta. Oui. D'accord. Donc on peut suivre aussi les actualités. Voilà, ouais. Super. Mot de la fin, eh bien, que le festival dure encore 34 ans. Oui. Ce serait bien. Oui. Et puis merci beaucoup, Hervé Ferron, d'avoir participé à ce spécial Caprice de lecture dédié exclusivement donc au festival de cette année qui se déroulera du 24 au 31 mai. Merci à vous. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.